Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, on va prendre les deux dernières questions de ce livre, qui est des tasmiyat, des nominations. Yaqulu fi sawal al-sabi' wa thamanin. 87e question. Souila al-shaykhu rahimahullah. Ma hukm itlaq ism al-am aw al-khal ala abi zawja aw ummiha. Donc, qu'en est-il de nommer le beau-père ou la belle-mère comme oncle? Car Am, à la base, le Am, c'est l'oncle paternel, c'est-à-dire c'est le frère du père. Et Khal, c'est l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de la mère. En français, on n'a pas de différence, mais en arabe, ce sont deux mots différents. Donc c'est comme si on disait, est-il permis d'appeler ton beau-père, par exemple, de l'appeler tonton, par exemple. Car c'est connu qu'en France, souvent, on approche des gens, on les appelle tonton ou tata ou tati, alors qu'ils ne sont pas les sœurs de nos parents ou les frères ou sœurs de nos parents. Mais c'est devenu une nomination qui est devenue courante. Des fois, c'est la voisine, ou la nourrice, ou une personne avec qui on a eu une grande relation, qui est proche des parents, on l'appelle tonton, tati, ou rel zalika. Donc là, le chir a été questionné par rapport à ça, par rapport aux beaux-parents. Qala fa ajaba rahimahullah ta'ala, amma abu zawja, fala yusammi, ou la yusamma khalan, wala amman, lianna ulisa khalan shal'an, wala amman shal'an. Donc il a dit, le beau-père, c'est-à-dire le père de l'épouse, on ne nomme pas de la sorte. Car il n'est pas un oncle paternel ni maternel dans la législation. وَكَذَلِكَ أُمَّ الزَّوْجَ لَيْسَتْ خَالَ وَلَا عَمَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّ أَبُو الزَّوْجَ خَالًا أَوْ عَمًّا وَلَا أُمَّ الزَّوْجَ خَالَةً أَوْ عَمَّ وَإِنَّمَا يُسَمَّونَ بِالتَّسْمِيَةِ الَّتِي سُمُّوا بِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُمْ الْأَسْهَارُ فَيُقَالُ سِحْرِ فُلَانٍ أَبُو زَوْجَةِ فُلَانٍ وَسِحْرَةِ فُلَانَةٍ Donc il a dit, la belle-mère, on ne la nomme pas tante ou tata ou tati, ni du côté paternel ni maternel, et le beau-père également. D'accord ? Il faut les nommer comme ils ont été nommés chez les savants. Et on appelle ça ashar, qui est le pluriel de sihr. Sad, ha, ra. Le sihr, en fait, c'est le beau-père. Et Sihra, c'est la belle-mère. C'est comme ça qu'on les nomme. Et souvent, le mot Sihr, il est attribué également aux frères des époux. Ce qu'on appelle les beaux-frères, en fait. Les belles-sœurs. Et bien, on les appelle Ashar également. Sihri, مثلاً, le frère de ma femme. Ou la sœur, elle dit Sihri, le frère de mon mari, par exemple. Ou ça peut être également Hamou. Il y a différents termes qui ont été donnés. Donc c'est comme ça qu'il faut les nommer. وَمَا أَنْ يُسَمُّوا بِأَسْمَى شَرْعِيَّةٍ لَا يَتَّصِفُوا بِمَا تَقْتَدِي هَذِهِ الْأَسْمَى فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَكِنَّ لَا نَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَالْأَوْلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يُسَمِّيَهَا بِتَسْمِيَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْعَمَتَةِ. Donc il a dit qu'il ne faut pas les nommer par autre que des noms légiférés. Car les termes légiférés, il en découle des règles. Les termes légiférés, il en découle des règles en religion. Donc nommer ces gens-là par des nominations qui ne leur sont pas légitimes, cela amène à du trouble, cela amène à du désordre. Car l'oncle paternel, il a des droits que le beau-père n'aura pas, et vice-versa. Par exemple, lors de l'héritage, le beau-père, il n'a droit à rien. Alors que l'oncle paternel, d'accord, il n'aura pas à droit à quelque chose. Par exemple. Donc cela peut induire en erreur, mathalan. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas nommer al-Isha al-Atama. Car avant, les Bédouins, ils appelaient l'Isha al-Atama. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a interdit cela. C'est-à-dire que les choses, il faut quand elles ont une nomination légiférée, il faut employer ces termes-là. C'est une chose sur laquelle on insiste souvent auprès des gens. Que les choses dans la religion qui ont un terme donné, venu dans les textes, ces choses-là, il ne faut pas changer les termes. Il faut les nommer de la sorte, comme ils sont. Quand on les nomme en arabe, bien sûr. Après, qu'on traduit, c'est autre chose. Par exemple, une erreur souvent répandue, nommer le hijab sitar, par exemple. Toutes les femmes qui se couvrent le visage, les gens, aujourd'hui, ont tendance à appeler ça sitar. Dans la législation, le mot sitar n'existe pas. Bien que le sens, il est là. Le sitar, un rideau, c'est une chose qui couvre. Mais dans le char, c'est venu hijab. Ça s'appelle hijab. Parce que pour les gens maintenant, hijab, c'est juste le foulard autour de la tête. Alors que non, le hijab, ça couvre toute la femme. et son visage. Et ce qui se met sur du pied jusqu'en bas, c'est jilbab, ça c'est venu dans le Coran, et khimar également c'est venu dans les textes. Et hijab. Ama sitar, comme les gens le font aujourd'hui, fulana apporte sitar, mathalan, ça ce n'est pas venu dans les textes, dans la sunna. Ou le fait de dire muqabala, pour une demande en mariage. Ça s'appelle khidba en arabe. Et dans le Coran, c'est venu khidba. Muqabala, c'est un terme qui a un peu un sens commun, mais qui n'a pas été employé dans la législation, alors qu'il existait à l'époque des Arabes, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et muqabala, ça, c'est un terme qui n'est pas forcément lié au mariage. Ça peut être un interview, ça peut être une simple rencontre, ça peut être un face-à-face. Alors que la khidba, c'est une chose qui est propre au fait de demander la femme en mariage et de la voir pour cela. Le mot khidba en lui-même, il est clair. Alors que muqabala, il peut avoir d'autres sens. Et les gens sont accoutumés à cela. Donc, faut faire attention à ça. Naam. ثم يقول في السؤال الثامن وثمانين 88e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز أن ينادي الرجل أباه بالكنية إذا كان أبوه لا يكره ذلك. Il y a une erreur dans le écrit أباه, c'est أبوه. Donc il a dit, est-il permis à la personne d'appeler son père par sa kunya ou par sa kunya si son père ne déprécie pas cela. D'accord? Si le père n'est pas contre, peux-tu nommer ton père par sa kunya? Par exemple, ton père, sa kunya, c'est Abu Abdillah. Donc, t'es-tu permis de nommer ton père Ya Aba Abdillah, ou Ya Aba Fulain, ainsi de suite. Fa'ajaba rahimahullah ta'ala, la abaisa bihi, ya'ni la abaisa an yunadi al-walad, abahu bi ismi, ou bi kunyati, ma lam yara an abahu yakrahu thalika. Donc, il a dit, il n'y a pas de mal à ce que le fils nomme son père par sa kunya ou par son prénom si le père n'y voit pas d'objection. فإذا كان يكره هذا أو يخالف عادة الناس وينادي أمام الناس لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته فحينئذ نقول لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته لأن هذا عيب. Donc il a dit maintenant si par contre son père n'aime pas cela ou alors que son père agrée cela mais que cela s'oppose à la coutume des gens de le nommer par son prénom ou de le nommer par sa kunya, alors il ne faut pas le faire. Car cela va devenir une chose qui est honteuse. وَأَظُنْ أَنَّكَ لَوْ نَادَيْتَ أَبَاكَ مَثَلًا فِي السُّوقِ عِنْدَ النَّاسِ وَاسْمُهُ عِنْدَ النَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ وَتَقُولْ يَا عَبْدُ اللَّهِ أَوْ أَبَا يَا أَبَا فُلَانِ يُعِيبُكَ النَّاسِ أَمْ لَا أَظَاهِرَ أَنَّ النَّاسِ يُعِيبُونَ هَذَا فَإِذَا كَانَ أَمَامَ النَّاسِ لَا يُنَادِيهِ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ وَلَوْ كَانَ لَا يَكْرَهُهُ لأنه عيب عند الناس ويعدون هذا امتهانا لأبيه. Donc il a dit maintenant, par exemple, tu es dans un lieu public, tu es au souk, au marché, au commerce, tu n'appelles pas ton père par sa kunya ou par son prénom, car chez les gens c'est une chose qui est mal vue. Et tu seras critiqué pour cela et les gens parleront sur ton honneur par rapport à cela. Même si ton père est d'accord, ne le fais pas devant les gens en public. Car cela s'oppose à la coutume des gens. Et les coutumes sont les choses qui sont prises en compte dans la législation. Tant qu'elle ne s'oppose pas à un dalil, bien sûr. Maintenant, si chez les gens, c'est une chose qui est accoutumée et qui est répandue, là, c'est autre chose. Mais en général, les gens, ce qui est connu, c'est que les parents ne nomment pas par leur prénom. Ça, c'est la base, même chez les koufars. Généralement, les enfants appellent leur père papa ou maman ou dans leur langue. Et rare, tu verras ceux qui les nomment par leur prénom. Il y en a certains qui, ça existe. Mais la base, c'est que cela ne se fait pas. قال حتى إني سمعت رجلا يقول والله لو سمعت ابني يناديني باسمي لأعطيته كفا أي ضربة بالكف. Il a dit à tel point que j'ai même entendu une personne dire une fois, si mon fils ne m'appelle pas mon prénom, je le giflerai. Et c'est ça qui est connu. Même moi qui ai un converti, ma mère elle est catholique, si je l'avais appelé par son prénom étant jeune, la gifle je l'aurais prise également. Mes oncles, pareil. Mes tantes, pareil, tous les proches parents parmi les adultes, même les adultes qui ne sont pas de nos proches parents, on les vouvoyait, on les appelait monsieur ou madame. J'avais même du mal à appeler les parents de mes amis par leur prénom. Ils me disaient, appelle-moi par mon prénom, j'y arrivais pas. Parce que ma mère m'avait inculqué de ne toujours avoir un respect pour les adultes et de ne pas les nommer comme si c'était nos amis, des gens de notre niveau. L'enfant et l'adulte sont de deux rangs différents, faut le montrer. L'adulte, tu le vouvoies. De base. Maintenant, si lui, il l'accepte, tu peux le tutoyer. Mais là-bas, c'est que tu le vouvoies. Les étrangers, tu les vouvoies et tu les nommes pas par leur prénom, mais par monsieur ou madame ou mademoiselle ou par rapport à qui il est. C'est ce qui était connu chez les anciennes générations. Et aujourd'hui, ces gens de bonne manière se perdent, ben, malheureusement. Maintenant, celui qui accepte cela, pas de mal. D'accord? Là, on parle de la base. Donc, هذا الذي ربنا اليوم في هذا السؤالين وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.